Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Parlons-en avec Orange. Nabino bandeko balandia Top Congo FM boye malamu na manaka parlons-en na radio Nabino lelo yo parlons histoire lelo lisusu torolobela histoire ya mboka na biso et oui torolembate bosenga ki biso yango tozali kokoba malembe. Notre invité est encore là, il s'est encore disponibilisé pour nous de Top Congo, Thomas Lua Kalosenjola, chercheur en histoire, Zain Abiso, Andeko Tomalua Kambote Nayo. Mbote Ming Ndeko Thierry. Alors, Tobandi vraiment les indépendance. Ma relation entre Biso et Rwanda, Tolobeli Amonioso, Tolobeli indépendance, après indépendance, des 60 à 65, 65-70. La fois dernière, Tolobeli qui, comme en 1970-1975. Nabokuse, en résumé, te retenir, Ninina et Pokwana. Quels sont les grands faits? Il y a histoire. Le grand fait, au moment où l'élection présidentielle est en 1970, Mobutu a gagné n'a plus de 100% de voix. Un père, Bazui, siège Nyonso, n'a parlement. Donc, on a tout le monde qui est en haut. Et comme on a l'Ikambuyama, il y a authenticité, et Kobima, tu as changé. Recours à l'authenticité. Recours à l'authenticité, tu as changé combo. Ya mboka impere yo koma organe moko munene toye komona likambu donc ya ba changement ba kombo Mobutu azomi benga lisusu te atiki kombo ya Joseph Désiré Mobutu akomi Mobutu sese ko kungwendu et puis obligation wana ba koya ko pesa ngo na ba kongole nyonso donc to tiki ba prénom chrétien to zui ba poste nom africain et puis toye komona lisusu naissance ya UNAZA, Université Nationale du Zaïre, il y a un conflit avec les étudiants. Tout le monde qui a été tapé par le conflit, il y a un Mobutu Akanga qui a été université à deux reprises. Et puis, tu as comme on a le conflit, il y a le président Mobutu, le cardinal Malula, il y a des généraux qui ont trouvé solution, il y a un monde qui a été. Donc, nakanisi et puis na likambu ya ndenge nini nde kona biso oti koti kabiso Verkis kya mwangana aki kota na kati ya conflit wana na nzembo na ye na komituna donc voilà un peu na likambu zaïrianisation to mona ki yango petit donc voilà les grandes lignes to mona ki na émission oti koleka lelo to lobaki to robeta histoire à musique ya Congo to koti sa yango mwa ndambo na matière ya lelo on espère vraiment avoir du temps oui. Mais to lobela surtout suite à l'histoire d'Abisso, Tosukaki na 1975, Léo Tolobela, 1975-1982. 82, ce qui t'en permettre Bisso, mais en tout cas, ben, événement, mon nom est Lélo, et Zali Naloba, événement mi balé, Oyo, et quoi qu'on impacté sur la suite, Bitumba ya Angola, il y a 1975, Bitumba ya Chaba, il y a 1977, bitumba ya shaba ya mibale ya 78 et puis tokoya komona ndenge nini opposition pe ekobotama na Congo pona e mema biso ti na création ya UDPS. Donc voilà les grandes étapes. Voilà, donc 1975 82. Mais na katuana tokota pe ba chapitre culturel to ya musique ya mboka na biso parce que bokomona mwa ba liens ali. D'accord. Alors to banda na bandeli. To sukaki esika en 1975. Souka qui na 1975, si qu'on peut comprendre Bitumba ya Angola, il faut totalement moquer relation ya biso tozaki qui nango na ba angolais. Relation ya biso na ba angolais e bandi to lo ba wapi na 1958 to mona ki ango Lumumba azali invité na conférence des peuples, la conférence du rassemblement des peuples africains au Kwame Nkrumah à Saleki na Accra. Tango Lumumba ke kuna akeko sala connaissance na ba leader africain o yakuta na bango kuna totanga ke bakumbo na bango bo Lumumba yemo kwa kende ki yemo kote d'ailleurs invitation azwaki yena Kasavubu mais Kasavubu mon collègue voyage ba bloquer Kasavubu ba Belge ba bloquer Kasavubu na aéroport ba lobby excuse ba lobby carte na ya vaccination ezalaki ajourté. Donc mais avec la stratégie pour qu'on a bloqué parce que ba Belge ba ne Kobanga plus Kasavubu à l'époque que Lumumba. Donc Lumumba ke na Joseph Ngalula na Gaston Diomi. Tango Lumumba komi kuna akutana na banani. Akutana na Kwame Nkrumah moto organiser ke conférence, akutana na Sekou Touré, Julius Nyerere wo yakoya ko ma président de Tanzanie, Kenneth Kaunda akokoma pesima président Zambie, Joshua Nkomo ya Zimbabwe. Et en particulier, garçon moko ya angolais babengi na kombo ya Joseph Gilmore. Joseph Gilmore ye akoya koyeba na kombo ya Holden Roberto. Sikoyo kuna na Accra wana bakozwa résolution moko. Résolution ango nini pays africain nyonso o ekozwa indépendance, il faut à s'engager ko salisa ba pays africains mususu po bango pe ba bimana bumbwana ya colonisation. Donc Lumumba soki message wana au sérieux. Tango sikoyo le 30 juin 1960 biso tozu indépendance, Lumumba komi premier ministre, Lumumba abandi ko salisa ba angolais. Kosali sabango ndenge nini? Premièrement, aza kopesa bango ba statut ba réfugiés, alobi angolais nyonso ali ko ya na Congo, aya akima colonisation parce que biso zwi indépendance na 60. Ba portugais baso continue ko coloniser Angola. Et puis Lumumba azo sali sabango pe na makoki, donc appui matériel na appui financier. Et puis voilà qu'à temps Lumumba le peu de temps le peu de temps on a zala qui Lumumba abanek parce que Lumumba justement zala qui camarade il y a Holden Roberto ba portugais ba zali dérangé na attitude na ba déclaration Lumumba ba menacer même Lumumba de représailles. Sikoyo tango ba menacer ndenge wana Lumumba continue yango wana MPLA Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, où est-ce qui fondé na Luanda, na 1956, et y est qu'on s'installait à Wana Kinshasa. Na 1961, MPLA est commis qu'on vende à Wana Kinshasa, président Nango, docteur Agostino Neto, Azali Munganga, na hôpital à Kitambo. Donc Bakimi. Bakimi, Bakimi. Toyoka pe na histoire apartheid, Air Moro Boe. Ba leader ya parti voilà ba kende kizala ba ya Angola aux alentours ya Afrique du Sud ba ngope ba kimi représailles ya colonisation ba ina Kinshasa. Donc MPLA ezali wana dirigé na docteur Neto oyo azali munganga na hôpital ya Kitambo et puis deuxième parti ba bengi yango UPATO UPA et la kisi Union des populations de l'Angola ezali ki pe créé na 1956 ezali dirigé na Holden Roberto. Donc mouvement bangolais aux ezami balé MPLA na FNLA na UPA nous sommes balé zo lutter contre colonisation ezo lutter contre colonisation justement na mois août 1961 tant que c'est la premier ministre après conclave à l'Ovanium comme on est mais qui réconcilier bangolais à Bengi Holden à Bengi Holden au niveau de la mouvement mi balé bosanga mouvement moko pour na faciliter bino Bitumba mais akokaye kotia bango ensemble te ba divergence eza nini UPA baza ko reprocher na UPA ya Holden Roberto ezali mouvement essentiellement ya ba Congo ya Angola na kini tobenga bango de manière générique ba zombo. En fait ba zombo c'est une partie une tribu clan moko boza kana ville moko babenga makila do zombo mais bango nyoso basa original makila do zombo teme to tia bango ka ba Congo ya Angola to benga omba zombo donc Holden Roberto eza mouvement ya ba zombo baza ko senga indépendance nini ya ba province ya nord ya Angola bako senga indépendance ya Angola mobimbate ndenge abako kala abane ko senga indépendance ya ba Congo donc Holden a IP aza ko senga alors que MPLA eza ko senga indépendance ya Angola mobimba voilà moi ba point de divergence et celle qui est ba yokanité mais tokoya ko mona na 1962 UPA po a élargir base na ya recrutement akoya ko changer combo UPA et ko ko koma FNLA Front National de Libération de l'Angola na souci que tokomi ko bundela siko Angola mobimba mais moi eloko mo peut tokoy ko noter na période wana na 1961 un jeune angolais Akimi Angola azana 19 ans aye awa na Kinshasa aye na Kinshasa vandia wa très dynamique ba ekonomé vice président de la Ligue des jeunes ya MPLA ya Robert Holden na 1962 garçon ana kolonga Kinshasa donc de 61 62 vandia wa 62 ake na Brazza et puis na 63 akokene kotanga na URSS ko sala ba université kuna kombo na ye José Eduardo dos Santos aye ki wandeni na kimika akimi parce que bitumba guerre de libération en Angola ibani na 1961 dos Santos azali parmi ba to ba so sala ba manifestation kuna ba police ya ba portugais comme kolukaye à 19 ans dos Santos aye awa na Kinshasa vice président de la Ligue des jeunes ya MPLA et puis akokene Brazza ake URSS kotanga ba classe. Na le 15 août 1963, ba Congolais ya Brazza, ba manifestation salami pendant 3 jours du 13, 14, 15, ba benga on les 3 glorieuses. Manifestation salami contre le président de la République. Ti le 15 wana ba renverser président de la République. Kombo na ye Abbé Philbert Yulu. Président na Brazzaville. Président Sika a commis ancien président de l'Assemblée nationale a eu pouvoir comme on a eu Alphonse Massamba Déba. Mais Massamba Déba a zali un peu na loba socialiste. Donc tant qu'a eu pouvoir na 63 on a MPLA naba Holden naba Agostino Neto ba katisi ba keko fanda na Brazza. Kuna Massamba Déba a yambi bango malamu. Tant qu'a yambi bango malamu biso awa na Kinshasa totikali na FNLA mais na 1965 cadre moko ya FNLA alongwe Kinshasa ake formation militaire na Chine tango asilisi formation militaire akoya kozonga na Kinshasa na 1966 balobaka a négocier ki place na MPLA poala na MPLA position ba proposer ki a CPLA ki na ngote a décider pe a créer mouvement na ye kombo ya garçon wana ya angolais wana kombo na ye Jonas Malero Savimbi Savimbi na 1966 awa na Kinshasa a créé UNITA donc UNITA elakisi Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola donc tokomi awa sikoyo de 1965 tant Mobutu a eu pouvoir ti na 1974 situation ya ba angolais eko changer presque pas ça veut dire quoi tokomi na 3 camps Congo Brazzaville aza ko soutenir MPLA Alphonse Massamba Déba ezala Marien Ngouabi tant a eu pouvoir bango nyonso baza ko continuer ko soutenir MPLA et pas na biso awa Congo Kinshasa biso toza ko soutenir FNLA ya Holden Roberto ezala premier ministre Cyril Adula même Moïse Tshombe tangwaye a ko soutenir kaka FNLA Mobutu pe tangwaye a continuer kaka na politique wana ya ko soutenir FNLA parce que FNLA est un mouvement pro occidental neti Congo Kinshasa troisième groupe l'Afrique du Sud Afrique du Sud est à soutenir UNITA UNITA balongwe Kinshasa baké ko vanda na sud ya a Angola pona nini baké na sud Angola Jonas Savimbi abane ko reprocher FNLA à l'objet un mouvement tribaliste ba Congo yazala ki mukongote yazala ki babenga bamba ovibundu ovibundu c'est à peu près 40% ya population ya Angola ba Congo baza à peu près 15% na Angola donc voilà trois camps Congo Brazzaville ba ko soutenir MPLA Congo Kinshasa to ko soutenir FNLA Afrique du Sud eza ko soutenir UNITA mais wanande sikoto koti parenthèse na biso ya liboso ya musique na 1998 awa na Kinshasa bana ba réfugié angolais ba créer orchestre na bango parmi bana ba réfugié wana mwana ya Holden Roberto Paz na kati bazova na quartier Imo Congo na kanisi ba benga ofeme ba créer orchestre ba benga ngos Stukas Boys na 1968 Stukas Boys wana sikoyo tango ibandi na 1969 deux garçons ya matongé ba camarade Balobino tokende komi komisa na orchestre wana. Le premier s'appelle Gabilita, amemi camarade na ye, kombo na ye Jules Chungu. Bake na Stukas Boys. Ba komi kuna parmi ba angolais, ba koyo kutape ba congolais biso bazali na kati ya Stukas Boys entre autres Lomingo Alida. Tango sikoyo ba komi wana, bon, balobaka wemba a répétaka une ou deux fois azonga ka lesute donc Jules Chungu. Mais Gabilita atikali atikali kuna et puis à un moment akoya o créer ça qui Stukas Boys bon tant baloba ke papa wemba yemba kana Stukas Boys et ça qui Stukas ya lita bembote et ça qui on a bana ba réfugié angolais donc Gabilita akoya ko sala après Stukas tukur oyaye oyé banaki et puis à Azana Lomingo donc a récupéré qui Stukas ya ba réfugié a commission angoya ye na kombo ya Stukas tukur le de Stukas Boys makambu sikoyo ekoya wana na 69. Na 69 sikoyo tokomona ndenge nini orchestre munene oye marke histoire ya musique ya Congo eko ya kobotama orchestre ngo babengi yango Zaiko Langalango. 69. Na 69. Tango papa mba kene ko sala répétition kuna na Stukas Boys wana. Ba kamarane ba bimi azongi ndako lobi nango na ba après-midi avant ndika na kati ya ndako na bango na matonge wana ba yeko yebisa ye Jules mutu moko azoli kona libanda abimi amoni garçon moko azalaki lobi esika bande ko répéter garçon ngo yebisa kombo na ngai Deve Mwanda kombo na ngai Deve Mwanda kombo ne penza so les acquis vital Diavita abi kombo na ngai Deve Mwanda vital Diavita Mwanda comme on a Deve Mwanda na eko proposé yo et orchestre okuta ibiso to répéter le comme on a Diavita Vital Mwanda c'est ça Diavita Vital Vital Diavita Mwanda alobi omoni orchestre wana okuta ibiso to répéter le lobby sona kuta kilobi bazali sou te kaka guitariste moko nde atikali guitariste na komona Félix Pepe Félix Félix Manamako Pepe Félix abina kuti kaka e ba bi voilà ye kaka nde to garde na yo sikoyo bozo banda orchestre ba ndo luka kombo orchestre ba proposer kombo ya Saiko Zaire ya Bakoko et papa Wemba aiko proposer kombo ya Langalanga wana nous sommes en 1969 na mois de décembre 69 aiko proposer kombo ya langa langa bazipe andimi yango pe orchestre comme Isaïko langa langa mais c'est que deux jours après garçon moko abane ko yemba na belle guide mais avant na kana njili ayebite ke orchestre kufa ayi répétition tango Malheureusement, orchestre, hein, bel guide aussi to bomaki yango, mais yo komo banda ko yemba bien. To garder quand même, hein, na orchestre ya sika. Kombo ya garçon ango, José Mvula Nyoka, akoyo koma, koyeba na kombo ya José Nyoka Longo. Donc, pour la histoire, faut te baquer. Papa est maza chanteur, il y a les bossos. Premier chanteur à Zaïko. Zaïko. Manuaku, premier instrumentiste. Instrumentiste à Liboso. Et deuxième musicien, Eza Nyoka Longo. Mais Nyoka Longo, c'est là qui est une belle guide, mais na Zaïko. Ok, so, papa, il m'a coûté un bazo répétition. Voilà. Mais mon collègue a fait répétition, Nyoka Longo, c'est là qui est. Donc voilà comment Zaïko et Kobotama, naba jeune, ba créé Yango, papa, il m'a zana 20 ans. Na 1969, Manuwa Kwasana 15 ans, na kanisi Nyoka Longo Kwasana 17 ans. Donc c'est vraiment des jeunes qui ont créé l'orchestre wana. Et puis l'orchestre wana est quoi marqué et quoi ça la révolution avec Kongo, la révolution Zaïko. Et quoi ça la révolution de la musique à Congo, na trois innovations. Innovation à Liboso. Ba décider que l'on a un instrument avant nous sur la carte de musique. Ba saxo, hein? Ba trompette, ba l'on a un nous. Deuxième révolution, ba écoutez accent na drum. Hein? Et ça, c'est que Zaïko Moutouya na drum, mais Zaïko Moutouya kotia drum en avant la musique ya Congo. Bah, tiens, on peut en exergue. En exergue, voilà. Soko yoki neti nzembo. Oya, okoma machine à kauka. Voilà. Soko yoki nzembo neti, c'est la vérité à papa wemba, oyoka penda ke drum, hein? Et ça, koyoka. Troisième révolution, bah, eko décide quoi accélérer tempo, rythme ya musique ya Congo par rapport à rumba, oya ba taboule, na ba grand kale. Ozara ya olimba le maratin, den, den, den. Exactement. Yango eko ya ko bota lelo yo ngwasuma. Peut-être na expliquer rythme yango se accélérer ndegenin. Komba bandi orchestre bazana ba instrumenté, ba loua ka ba instrument. Si ko bande ko loue guitare basse, ya papa moko beta kana kintweni. Papa ona sikoyo atinda ka neve na ye. Atinda kana neve na ya kana guitare na répétition, ce qui ba beti azongi na guitare na noko na ye. Si ko mukolo moko répéter, zaiko ezo répéter, tango a pause. Garçon azo beta guitare pour s'occuper. Bangonyo so ba remarquer. Oya ya na guitare. Oya ya na guitare, hein. Oui, il y a une guitare. Il y a une guitare. Il y a une guitare. Si vous avez un peu de remarquer que vous avez une guitare. Mais vous avez récupéré un orchestre. Garçon, il y a un rythme de rythme. Dans le cas de Zaïko, les garçons s'appellent Oncle Bapius. Donc voilà comment la musique est accélérée. Et comment deux jeunes garçons dans les années 77 bakoyako ralentir ko décider le sous ko ralentir rythme pour bazonga na rythme d'origine. Donc to retenir que Zaïko langa langa mota révolutionna penza musique na sens yako yako pesa yango connotation moko ya ngwasuma pena ya vibration. Et puis à Longoli, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique tango et bandi rumba à l'origine, et ça n'a moins connotation à Mutuashi. Parce que Grand Kale, Niko, Bazaba Luba, Bakoti, c'est un peu folklore Luba, Sokozo Kanetin Zembu, Mipende à Milangi, il y a Grand Kale, Ogoyo Kapenda qui est Mutuashi, il y a Mwane Zoyemba. Mais si quoi donc. Au départ, Mutuashi est colonisé dans Rumba. Si qu'on a 1969, le folklore né Congo est colonisé, musique à Congo, il y a eu un écopé sangwasson. Voilà, tout ce qui a été ni à Yambo. Parce que les autres, vous allez entre politique na musique. C'est ça la beauté de Parlons Histoire, tous les mardis sur Top Congo, 9h30, 11h30 avec Thomas Louaka. On se retrouve après le journal en Lingala pour la suite de notre émission. Bien, faut battre ça en action, puis faut pas ça suivi. Mon cours pharmacie, go égalité, plafond égalité, et puis chaleur, mieux sur moi, naïe mon cours pharmacie, gado. Parlons-en du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30, avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Deuxième partie de Parlons-en. Parlons histoire aujourd'hui avec Thomas Louaka, Tozo Koba Kolobela, Deuxième République. Règne, il y a président Mobutu. Oui, Bandagi, en novembre 65, Tolobela qui 65, 70, 75, si Kawa Tozo Lobela, 75, 82. Ni le kaki en a 7 ans wana et na kati tozo kotisali kambo ya ya miziki hein tolobeli kama création zaiko oui me kai comme mémoire révolution na musique congolaise c'est vrai que bandeka YouTube a vu à un moment wana so kima kimondambo na été so to ko bandela mo moke kaka partie à création zaiko et rozamala mo mingi merci mingi ndeko pour na ko répondre na nani remarque ba ndeko na biso YouTube tolobi boye un jeune garçon Jules Chungu moi ancien combattant tata na comme on a Jules Kekumba abundaki bitumba ya Ethiopie donc Jules Chungu aye kotika ba camarade na ye na veni popo kabaka e patata mosi na bango ye atika ina libanda ndeko ni ba coach ba camarade ba coach na ndaku ayoki batu bazo répéter na sima abaluki na sima ndaku ake kuna kuti batu bazo répéter batuni yeso ka s'intéressa kalobina meka koyemba ba ebisi ayemba ayembi adios tete ya Taboulay et s'appelle ici Bango voilà. Ba sengi kaka tunier biloko mibale kombo naye alobi kombo na Gilles Chungu et adresse apesi kandakanda numéro 42 lobi nango muto ayeko luka ye na ndako kombo naye DV Mwanda c'est Vital Diavita Mwanda DV Mwanda ayeko ebisa yeke tango sisa eka koyemba wana tobomaki orchestre wana Belle Guide okuta biso tozo répéter parce que oyembi tellement bien tomonaki ke tozo perdre temps tobomi yango nayeko propose yo olandanga to créer orchestre sika Jules Chung ayena DV Mwanda bazongi na popo kabaka ba akutika ka musicien moko ya Belle Guide atikala ki kombo na Félix Manoako Pepe Feli Pepe Feli guitariste donc bango mibale nde ba musicien et puis na ba yali boso na ba fondateur DV Mwanda za ki yemoko te azala ki na ba ba ningane msusu me ba musicien bango mibale Félix Manoako na Jules Chung bazui ba décider wana le 24 novembre Le 24 décembre 1969, combo et orchestre va passer en gros Zaïko, Zaïri à Bakoko, de Monaki en gros qui réforme monétaire et salamine en 67. Donc, Mbongo Tobane Kolia, Zaki déjà en 69 et Zaki Zaïr. Donc, Zaïri à Bakoko, et puis deux jours après, ancien musicien Belle Guide ouais il quitter que basi babo mi orchestre aye wana aye répétition il c'est un orchestre c'est koufi mais comme oyemba ka bien tout retenir yo combo nae José Mvula Nyoka akoya ko bana komba Josar Nyoka Longo et puis langa et la kisi mbala moko boy hein babenga ko mbala ya langa. C'est papa yemba qui va ajouter les termes langa voilà comment orchestre bandi ba eko ça la révolution misato trois innovations na musique congolaise na rumba ndenge avec na origine Zaïko et loko liboso ba innover ba longoli ba instrument avant ba saxo ba trompette ba longoli yango habitude on est continent il est na ba orchestre mingi ba jeune ba instrument avant ils allaient réaliser c'était Zaïko mute longoli yango deuxième innovation ba eko tia axa na batterie to drum ba axe et puis troisième révolution ba eko accélérer tempo ya musique folklore né Congo et ko côté la musique ya Congo et accélérer tempo nango yango pesa biso lelo ngwasuma voilà donc papa Mba est le premier musicien de Zaïko ya Zaïko papa Mba le premier chanteur oui j'ai le premier chanteur ya Zaïko ouais, yami balenyo kalo yami balenyo kalo et puis ba tu as mo evolo ko bakoya après voilà donc na ba jina wa yango wana et puis likamba basse bete peli en ah likamba basse c'est fait ça yo donc comme bazan instrument Baloua kaba instrument entre autres guitare basse et pas ya papa Mokoboye aza bassiste ya Kintweni Kintweni c'est des orchestres folkloriques ya bané Congo siko neveu na ye muta yaka na guitare wana na répétition ceux qui babeti azongi nango siko mukolo moko tango bazana pause neveu wana bandi kobeta guitare ba musicien ba remarquer que ayebi kobeta bazui ba proposer pe a kota na orchestre a kota na kati orchestre kombo ya musicien wana oncle Bapius c'est à travers lui entre autres, tu vas expliquer que rythme qui est tweni, tempo on a qui est tweni, et continue à faire Zaïko et quoi accélérer tempo. Mais il faut dire que de par le nom, on va appeler ça qui orchestre Zaïko, Bazara déjà la vision moro révolutionnaire, la vision moro yaro. Traditionnaliser les sous-sous exactement c'est Zahir yaba coco mais sa, surtout ouais. Et le quoi salami na ba jeune na rappeler le sous-âge na bango na 1969 papa Wemba azali na 20 ans manua ko azali na 15 ans nyoka longa azali na 16 ans. Donc voilà ba jeune oyo ba eko révolutionner musique ya Congo ba ninga na nga mususu ti le loza na 40 ans ala azomizongi sakaka jeune alors que ba tuma sala pe makambu na ba age ba 15 ans 16 ans. Voilà, sika to avancé. OK. Siko to zongi na situation voilà, to kangi parenthèse ya musique. To zongi sikoyo na makambu na biso ya politique to tsuka ki wapi to tsuka ki to lobita mobuta ju pouvoir. Et na 65 10 na 1974 situation est aboyé. Angola est en trois mouvements de libération. MPLA, il y a Agostino Neto est en Brazza, ba congolais Brazza ba sako soutenir bango. FNLA, il y a Holden Roberto est en Kinshasa, biso toza ko soutenir bango. Et UNITA, il y a Jonas Savimbi est en Afrique du Sud. Afrique du Sud est soutenir. Ils ont soutenir na sud d'Angola. Na sud d'Angola. Makambo ko ya ko changer na mois d'avril 1974. Ma camionne est changée le 24 avril 1974. Coup d'État et salami na Portugal. Ba militaire, ba kwesi mokonzi na bango mboka. Comme on a eu Salazar. Pona nini? Parce que ba tout ba angolais et ba portugais ba lembi bitumba. Portugal est na bitumba guerre coloniale depuis 1961. Alobi mais ba France, ba Belgique, ba mboko eleki kutu ba Angleterre, eleki biso na makasi. Et c'est tika makamba colonisation na. Biso soko to kutinga manango ndenge nini? To sala mwaete bana na biso ko ba kufaka. Salazar a linko tika wanate, yaza o continue ka bitumba. Ba militaire ba salie coup d'état ba déposer Salazar, ba benga kango la révolution des ailiers. Tango ba militaire na portugais ba sali coup d'état ba lobi non, ba ebsi ba angolais. Biso to décider si koyo makambo bitume to kotika to kopesa bino indépendance. Donc ba proposer indépendance na Angola. Yango na sikoyo le 15 janvier 1975. 15 janvier 1975 ba signer ba portugais gouvernement portugais na ma mouvement de libération Angola le 15 janvier ba signer ba benga les accords d'Alvor. MPLA, FNLA na UNITA ba lobi voilà to yokana ba condition to kotike la bino mboka na bino boko zo indépendance na mois de novembre mais boyo kana entre bino boko jere mboka na bino ndenge ni. Et puis na mois de juillet les trois mouvements na ba tenter ko sala gouvernement d'union nationale et échoué. Si koyo comme ba militaire portugais wana gouvernement comme na Portugal eza ba socialiste bazana sympathie na nani bazana sympathie na MPLA biso to sa pro occidentaux donc MPLA ba favoriser MPLA et ko s'installer na Luanda et ko s'installer na Luanda yangona sikoyo à la veille tango date indépendance lingé koka Mobutu alobi non ngana kotika MPLA et gouverner Luanda te et gouverner Angola te ngai il faut que nous longola bango parce que wana to yebike MPLA eza penda na armée ya malonga te ya moni bauti exil na Congo Brazza baza penda na armée te Mobutu alobi na okendo ko bengana MPLA na Neto na Luanda yango wana na moya disons octobre à peu près octobre septembre octobre ba militaire zaïrois 1975 ba militaire zaïrois na ba militaire à FNLA na ba mercenaire au Mobutu a recruté na ba agent à CIA parce que au tout zolobawa ba merke ba sasi manabiso ba décider ba koti Angola mais motivation Mobutu zagini Mobutu a sa démotivation il faut mutunaye Holden Roberto as la président d'Angola il faut que nous installer na Luanda ko bengana Neto. Deuxième motivation Mobutu wana bande koloba ngote Mobutu a sa idée à annexer enclave ya Cabinda hein mon territoire à Cabinda et kangama entre biso na Congo Brazza eza plus de 50% ya pétrole Angola oyo ka Angola za na pétrole plus de 50% za na Cabinda donc et puis population basa mingi tale pour basa na bango pe mingi tale Mobutu ye idée na ezali bon na ke ko tia bango poa hein ne totalement aux pouvoir kuna ngamba la moko na récupérer Cabinda et ko tina kataza donc voilà motivation ya Mobutu donc toke kuna tango tokoti et puis en même temps UNITA yepe a décidé à partir ya Angola ya du sud kuna Mobutu ke sa na Angola obiso tozo reprocher na Paul Kagame hawa exactement donc si ko sa vimbi paye pas décidé à attaquer Luanda à Bengana MPLA donc si ko wana tozu tokoti no koti na Angola ba militaire zaïrois toko occupé na ba militaire FNLA toko occupé quatre provinces au ya nord-ouest ya Angola sur 18 provinces. To sali coalition na MP là. Non, na FNL là. Na FNL là. Oh ya Holden Roberto. Ya Holden Roberto. Eh to sana bango to kotina ba soldats na bango, hein, na kati Angola. To kotina ti na sima na bango quoi. Voilà, exactement. M23 na Rwanda. Exactement, c'est ce qui s'est passé. To occuper territoire province ni il y a 18 provinces. To occupé carte province ya Zaïre, hein, boye baka province mon Angola comme mon Angola za Zaïre, capitale na Mbanza Kongo, Ouigi, Kwanza Norte na Bengo. Quatre provinces wana ezali occupé na FNL na ba militaire ya Zaïre. Sikoyo tangu to occupé to pousani to kwembe mbena Luanda, hein, ba minda Luanda comme mon nan. Balobi ok sikoyo il faut to kokine biso tumba la mote to sala unité d'assaut unité eko kota Luanda e beti batu wana bongo biso toye unité d'assaut ango ezali constitué ndenge nini 1200 militaires soldats congolais bazairois 1200 bazali commandé na colonel Mamina Lama azali commandant 7e bataillon donc 1200 zairois 800 soldats angolais ya FNL 130 mercenaires portugais et groupe ya ba militaires sud-africains ba yepe côté na biso sud-africain bazali commandé na général Ben de White Rose sud-africain mundele yepe aina batunaye et puis na ba agent CIA donc moni coalition wana ba bi bon bino boko ta Luanda boko no benga na batwana sikoyo na 5h du matin ya le 10 novembre 1975 5h du matin ba avion de chasse ya Congo Mibale, ya Zaïre, ba Mirage, et décollé. Et que na localité moko boeza 22 km ya Luanda. Et ba benga o Kifangondo. Bon, à l'époque, c'est là qui 22 km, mais l'élo tellement Luanda, tous en 75, hein, ville à Luanda, tellement écoti, écoli, Kifangondo, écota na katia, ya Luanda. Mais à l'époque, c'est 22 km. Donc, position, ce qu'on va ébiquer, Fapla, Fapla n'est armée ya Mpela, ba koze la biso na Kifangondo. Avion de chasse la mibale décollé et bandiko bombarder Kifangondo mais comme boule bandako beta mukola mwa mbula mwa mukimke donc visibilité ça peut na bien te et puis ba avion de chasse ba mirage wana et na très haute altitude donc précision zate ba rater ba bombardement na bango à partir à 6h coalition na Zaïre ya Zaïre entre autres artillerie ya division Kamanyola Mutekende kuna ba bandiko bombarder Kifangondo depuis 6h ce qui pendant 3 heures à bombardement. Pour Bakati, na 12 heures, barbi, ok, héroïo, Fapla, basi ba koufi ba mounion so oubi ba kimi, ale to kita. Initone bando kita, sko koli, sa y moi koline, ba ou kita male, male, male, tant ba ou kita boy, malheureusement pour nabiso, nzoka ba kekouye na kati embuscade. Embuscade ba nani ba zose la bango, ba bataillon moko ya ba gendarme katange. Ba koma ou benga ou ba tigre. Ba gendarme katanga otomonaki bakendaka Angola tango bakimaki Angola tango c'est katanga c'est voilà ba gendarme katanga wana ba koma ekuna siko ba koma ko sana ba portugais na mois de décembre tango ba portugais ba seli coup d'état na bango na mois de décembre 74 ba proposé général Nathanael commandant ba tigre azana 2400 tigres gendarme katanga à l'hôpital biso tozolongwa yo sali si biso hein to travaille non bien mais biso zozonga e pas na biso na Portugal voici proposition biso salio ozana choix ozu ba soda na yo ozongi na bango na Congo OK ko négocier amnesty na Mobutu ou bien obani ko travailler na Mpela hein Mpela to ko tigela ba mboka bana ba soda te gotia bango po Nathanael Mbumba OK problème ezate ngai na ko travailler na Mpela yango na Nathanael Mbumba a signé ba accord Nathanael Mbumba oh pour bêter avec biso de solo voilà zalaka commissaire de police na Kolwezi akimaka madra nani type abane ko nyoko la population ko na mtu moko mobutu atindaki manzikala voilà yewana yewana sikwa kuma chef munene kuna asala école de guerre na Portugal akuma mukondi Nathanael Mbumba sikoyo na ba tigre naye ba signé accord ba komi ko collaborer na Neto na neto neto nemta comme est président wana na comme non président ça ka kana po namba proclamer indépendance wana les 10 OK donc siko biso ba militaire zairois na FNL na ba américain tant tozo kita ba tigre ba pelisi moto na donc to kwena kata embuscade mais ba tigre Bon, déjà parmi les tigres, les cadeaux qui sont les banana qui sont les garçons qui ont 15 ans, ils ont été en train de tigre, quoi. Il n'y a pas de bundawana. Si ma bamboula a quoi comme appel mon conduit monnaie na Congo, les lois à numéro 2 à la police, comme on a eu général patience. Yav, Azangina Bitumba Kifangondo. Non, Azamouana, gendarme. Exactement. Exactement. Donc, Abunina Kifangondo, Abuna Bitumba. Abunana Bitumba Kifangondo. Tant que vous avez militaire à division Kamanyola Bazoya. Bango Bazana, na commandant na Bango, Oyo ya Katange. Donc, babundi wana, babundi me bazali bango mokote. Bazala ki bango mokote, pona nini? Parce que, na butu wana renfore yaki, ni ba Zaïrois, service ya renseignement ya Zaïre, to yeba kite, ni ba Américain CIA, e yeba kite, ke neto asenga ki, tango mona kike, date indépendance c'est celui qui est coca à mon acquis que Zaïre parce que mon service à renseignement faisait la maca c'est Bitumba c'est vraiment capital vous avez un service à renseignement moi il y a bien okay. Donc ayez pas que mon bout a soit préparé loco mais est-ce qu'on a pas soldaté à part bah gendarme katangona batikelier qu'est-ce qu'il a fait il a demandé secours na président ya Cuba Fidel Castro. Fidel Castro a monté opération babengiango opération Carlota. Ba soldat cubain baye ole babimana port à Luanda ba kiti na port ya Pointe Noire. Nde bazo kende siko discrètement butu bakoti Angola. Donc na Kifangondo wana tangu ba congolais bazo cela nzoka ba cubain pe basi ba komi ba cubain siko ba na ba arme o ba soviétique ba pesa ki bango entre autres ba benga orgue de Staline et ça lance roquette multitube ba congolais no ba mona ngote vie moko za participer kana bitumba bi petit tango ba cubain ba pelisi moto to pakata mbang donc voilà comment une partie à division Kamanyola et zala na ba congolais mususu bazala ka massacrer na Kifangondo ba kangi pe mingi ba prisonniers to échoué na Kifangondo mukolowana le 10 novembre 1975 to zala ki obligé ba soda mobutu ko battre en retraite le lendemain le 11 novembre 1975 Agostino Neto a salissi manifestation na place de l'indépendance ya Luanda a proclamé indépendance ya Angola. Na kati ya tribune, na tribune wana, ya un invité d'honneur wana nani, ezali général Nathanael Mbumba, azana tribune d'honneur, façon ya Agostino Neto, ya ko remercier ba Congolais oyo, ba gendarme Katangé, ba sauva ki pouvoir naye avant ba Cuba, ba koma. Voilà comment to échoué Bitumba ya Angola na Kifangondo. Donc ba gendarme Katangé ou ba Congolais, oui, ba beti armée nationale. Exactement. Ya biso ya Mobutu. Exactement. Voilà. Et puis unit à kuna yé pas zoyana ba sud-africain naé à kokoma tina 200 km biso koma ina 22 km ya koma ina 200 km en venant du sud ba cubain pe ba kende ba bloqué unit à na ba sud-africain au babane koma ta vers Luanda. Voilà comment régime wana ezala ki sauvé. Mobutu à quoi koloba non makambo yo monique c'était un grand politique na février 1976 wana na 75, le 11 novembre 1975, Angolais pour l'indépendance. Na février 1976, Mobutu a quoi que ça la réconciliation na Agostino Neto na Brazza, mais ce n'était pas vraiment très très sincère. Mais tout comme ici qu'on a 76 ou on a opposition les appendices les soutenir na Congo, mona ki angoya, battu une soirée bagarre les soutenir parti unique, impair et tout. Mais sango moko a quoi que soit courage, y a quoi dénoncer bah et bah excès na ba biloko Mobutu autoritarisme Mobutu exactement sango na kombo na ye monseigneur Eugène Kasonga archevêque ya Lubumbashi akoya ko koma nani lettre moko bo babenga en lettre pastorale titre nango je suis un homme naza mutu on a quatre lettres on a zako dénoncer makamba chômage éducation injustice éducation santé justice donc à cause il y a ba cupidité il y a ba politicien ba tout ba commis ba assassin donc vraiment véritable réquisitoire contre le régime à Mobutu. Mobutu a kosilika ako senga na beveki ya Congo ba désavouer monseigneur Kasonga ba évêque ya Congo ba kuboya ko désavouer muninga na bango wana na 1976 na 1977 tozana 1977 bangolais sikoyo ba monique Mobutu a exagéré na soutien waza ko apporter na ba rebelle na bango. Qu'est-ce que les angolais vont faire? Il y a une état. Non, on a FNL et Bandoko Kita, mais tout le temps FNL a poids na unité. Il y a Agostino Neto, à quoi il a encouragé le gendarme Katangé, où il y a Nathanael Mbumba, Bakota, va attaquer Congo. Il y a le 8 mars 1977, 2000 ex-gendarmes Katangé, Toba Tigre, va attaquer Zaïre. Tant que va attaquer Zaïre, armée Nabiso, ils ont résisté, les soldats sont basés qui m'ont dit qu'ils n'ont pas uniforme na bango. Ba ville bandi kokoya, c'est ainsi que na mois de mars wana ville ya Dilolo, Kapanga, Kasaji, Muchacha et koyi na bamboka ba rebelle Mobutu a beleli a lobie zali ba soviétique na ba cubain mutu ba attaquer ngai ba allié premier allié à Mobutu ba américain. Nouvelle administration wana le 20 janvier 1977 gouvernement sike koti na États-Unis ya Jimmy Carter. Mobutu na mois de mars alobi ba cubain na ba soviétique ba attaquenga ba tu Jimmy Carter ba lobi ezalo kuta attaque cubain mon côté azobunda na katanga. Et puis deuxièmement ba américain ba boy kopesa munduki e Mobutu manduki na masasi po na bitumba ya shaba auto guerre 80 jours e ba ndimika ka kopesa e ba uniforme na ba ration de combat. Mais manduki baboy kopesa na masasi. Pourquoi ba américain ba changer attitude vis-à-vis à Mobutu na 1976-1977. Parce que justement, jour où Jimmy Carter azali investi, le 20 janvier 1977, Mukolowana kaka, Jimmy Carter a bengani camarade de Muninga ya Mobutu, l'ami de Mobutu, azali qui directeur ya CIA aux États-Unis, kombo na ye George Bush, George Bush le père. Asala camarade na Mobutu yende azaki directeur à CIA et le 20 janvier wana ba longole na mois de mars ba attaquer biso na ba gendarme katangé donc Mobutu asali sous na soutien aux États-Unis voilà comment administration échanger les faces. Mais George Bush akoya ko zonga directeur à CIA ba longole na mois na 77 akoya ko zonga de 1981 à 1989 akoza la vice-président des États-Unis vice-président ya Ronald Reagan. Et puis emoko akoya ko ma président des États-Unis de 1989 à 1993. Donc Mobutu ce côté ba américain ba lâché à lobby il faut na mobiliser population ba mobiliser population pour Bitumba ya guerre 80 jours malheureusement manifestation moko basalaki pour na solidarité na régime na stade des martyrs ba tribune ezalaki à moitié vide ba tubaya kité. Le 4 avril 1977 Mobutu a lancé appel au secours na ba allié na emususu alobi soki botiki nga yawa naza en difficulté il faut vraiment boya ko sungangai. Yangona le 8 avril 1977, le Maroc, ya roi Hassan II, endimi ko tinda ba soda ba ko aider Mobutu, 1500 militaires marocains baye na Congo. Yangona le 10 avril donc ba militaires na baye mais bazali transporté na ba avion transal ya ba français ba pesi ba avion ba memi 1500 marocains baye. Ba marocain baye bango mon côté Égypte et indi 12 bah, à peu près 12 pilotes Soudan et indi ba conseiller militaire ba ewa coalition wana ya ba marocain ba égyptien ba soudanais tang ba komiawa ba ye ba kena katanga kuna en quelques jours ba bengani ba gendarme katangé Bitumba ya katanga ya guerre ya 80 jours premier guerre à Shaba et sili le 26 mai 1977. Facture ya Bitumba 70 millions de dollars ezalaki mboka efutaki yango c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite nda futi ba marocain facture ya opération 70 millions de dollars Bitumba kutaka cher ndeko. Sikoyo na kanisa wande tokota sikoyo deuxième parenthèse na biso moko ya musique ba avion na tango sikoyo Bitumba sili ba avion comme un matériel pour nous rejoindre sa Kinshasa. Camarade à papa ou maman, comme on a mis à Moulongo. À la mort, qu'est-ce que nous avons étudié à l'université de Lubumbashi? Babenga, on le casse à part. Misha Mulongo, azui musicien na yemoko. Alobi no petit oyembaka bien na memo na Kinshasa ou kelo kan registre nzembo na yo ezanze moko bien. Azui petit ango ba négocier ba vione zozonga na ba matériel. Libumundunda ba après guerre à 80. Après guerre à 80 jours. Toko na lobi guerre ici na mois de mai hein. Na mois de juin. Bazu place na kati avion ba yé ba mwimbalé. Mais petit on a ce quoi za étudiant, aza na deuxième session. Ayebi si Misha Abi moninga na sala deuxième session vie siko président siko na sala abi no tokende abi ok vie na ndimi ko kene mais deux conditions un famille nanga na Kinshasa ba yeba teke nanga na Kinshasa hein parce que ba pikisa na makama musique deux na umelate parce que na sala deuxième session fo na zonga abi no na problème les ate petit ok ba na petit angoti Misha de l'aéroport a memie na moloka e pa camarade ne papa web a comme on a présenté papa pa web albi oyo petit na ngai comme on a Jean Mubiala a yemba ka bien mais c'est orchestre na ngai asana nzembu ne moko alinga enregistrer wemba na single service yo mutu na nga est-ce que viva e ko accompagner petit na studio pour na enregistrer wemba tuni me e ko sala wapi abi no e ko sala na VV sa e pa VV santé e pa vie ke mwangana wemba lobi ah mikolo na zoka na tena viwana to bebani donc ngana ko chama kolo na biloko nete mais na autoriser quand même orchestre ba accompagner petit na orchestre peut vivre la musique et accompagner Gaswana Jean Mubiala akoya ko ebana sima na kombo ya Kester Emener donc ba accompagner Jean Mubiala ba ke na studio na VV ba enregistrer nzembo Milena tant ba enregistrer azongi sikoyo aza fazer e papa poem papa emba pe se mo chambre mais aza musicien vivate akoze la nzembo na yebima azonga Lubumbashi Siko emene afanda kwa. Even na atala woye, nani nzimbu ibimakate. Dezema, Misha Mulongo. Mutifale futile itike ya kuzonga, Misha Bunga. Do, ya tika lika akumi kufanda kwa wana. Tanga zo vanda wana, garso mususu ayaka pika Afrika ntaka molo kai, aye kusala konesansi na ye. Ah, garso na ya kuti na mwa chambre na ya, alubi, ah, we, ase presente, alubi kumona nga Antoine, Antoine Agwepa. Uwe kwa yoko masima, kufiolo mide. Alubi Antoine Agwepa, ngai naza parolier papa wemba na kumela ke banzembu alubi nonga na iko naza étudiant na Lubumbashi na ika kapona kwa resenze munanga ba sympathiser bango mibale parce que baza à peu près na statut moko ba fréquenta ka moloka mais baza ba musicien vivate et puis ba musicien na musus ba star ba bipoli ba cambodge ba respecta ka bango te kwa ba mona ba oneti ba tupamba do ba komba mister tant ba komba mister ba iko découvrir ke bango mibale baza na passion ya musique ya Congo ya rumba surtout ba rumba ya kale ya taboulé donc la rumba originale donc baza ba yebi histoire ya rumba ba komi ko solo ba komi ko lomba ba ko sympathiser et il faut s'enrichir mutuellement Kofi Olomide qui est un génie de l'écriture wemba témoignant plusieurs fois abina ko ebisa Kofi Boye nana besoin nzembo 2 3 heures après à composer le nzembo donc Kofi Olomide va améliorer apprendre tes mains, améliorer la façon d'écrire des chansons à Emener. Emener va améliorer la façon de chanter de Kofi Olomide. Et puis, Bangomi Bale, Bakoya, Kosala, la contre-révolution à Zaïko. Ongana Bengaka, contre-révolution, c'est quoi? Les deux vont se rendre compte que Zaïko, depuis 69, n'a pas bananaye, bazwa, ba dévoyé, ba considérant comme ba dévoyé, ba accéléra rythme trop. Et comment bango bango? Même papa Wemba, na kolinga nanga eloué, mama, iye, iye, iye, mama, iye, ma belle, ma konti. Babi, non, il faut tout ralentir. Musique, ezonga ndenge ba kale ba tikaki, na à l'origine. Yango yo, Kofi ane koloba, ndembo na se, balater. Donc, les deux là vont révolutionner. To tiki bango wana, si koyo, et tant que le régime a Mobutu est allé sauver, bah allié naïe, bah il disait déjà moni facture à guerre, ça coûte cher. 70 millions de dollars. Tu causes la peine à tenter de yaka chaque fois qu'on aide yo. Il faut au libéraliser, démocratiser moi système naïo, parce que bah tous ceux qui basent na droit à colobater librement, basent na choix te bah continue d'avoir besoin d'indouki. Donc pour na éviter la guerre, tika bah tu peux bah loba, il faut alléger le système. Mobutu est koyoka conseil na bango. Na mois de juillet, Mobutu Sali Meeting a décidé que ça la réforme politique, à dissoudre le Parlement, conseil, hein, conseil législatif à l'époque, wana, Assemblée nationale, à dissoudre Ango, et puis à y perdre le vice une élection démocratique. Bureau politique, c'est-à-dire qu'il y a 30 membres, à peu près la moitié, je crois, 17 membres désormais Bakozala élus par la population. Et ça, c'est que Mobutu Ndao va nous nommer Bamonyoso. Voilà dans quelles conditions la réforme et que Salama, toqué en 1977, dans l'élection législative, il y a solo aux populations comme Ponabatu. Voilà le parlement, il y a solo, il y a Liboso. Et en 1977, Tshisekedi Azongi, élu député, il y a Nambouchime, il y a 1977. Donc, wana, même si le parti est un père, mais l'élection est solo. Exactement. La population s'est choisie. La population a choisi parmi les candidats Bazalakiwana. Merci beaucoup. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Voilà, donc il y a des bambans, période de 1975-1982. Donc, comme il y a 77, la réforme, élection législative, il y a solo salami. Donc, l'autre, comme on a création de peste. Mais déjà, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit comme ça, tu continuer suite de l'émission prochaine. Mais ce que nous avons dit déjà, donc, première guerre, Chaba et Tindi qui va réformer politique et Salama, va député va comme élu. Si qu'on peut, va membre à bureau politique, il faut baser la paix élu. Il y a deux sièges à membre à bureau politique dans la province Équateur. Bah, candidat va zakuna entre autres Lito Moboti na Boboliko Lokumba. Bah, na campagne. Si qu'on t'en bagaye na campagne, on a Lito Moboti a bengisi orchestre Stukas ya Lita Bembo. Pour animer campagne naie. Tant que sikoyo na Équateur, siko bomboko tant que pas yoki que non ba bengili tabembo akekuna ya binga pe fona même pas orchestre mususu ba ebisi non mikolo oyo orchestre ba jeune esaka ka moko komo nango viva la musique. Donc bomboko asengi viva papa mbana viva ba kende ko beta na Équateur. Wemba siko il a un problème pour na tourner ya électoral wana. Il a un problème, son problème c'est lequel? C'est le cas Emenea. Et mené à sa musicien orchestre, mais il mené à Fanda Kepanae. Après, si on a un baba tunion, surtout qu'il est tourné dans l'Équateur, qu'est-ce que j'ai fait de mené à Nati Kena Lupangu Yemoko ou bien mené à tourner a décidé, ok, bon, quand même, on a quoi que tu aies monté, on a quoi que tu aies monté, à m'aimer, à bien mené à toquer, à qu'elle a tourné. Mais mené à qu'elle a tourné dans l'Équateur, à sa membre est vivante. Mais si ko soki orchestre beti ermoko ya posboy bazoti ki le mwa tan ayemba milena na nzembo na emoko wana kaka ayemba kaka yango kana oya yaka ko enregistrer oya yaka ko enregistrer yonka ndi batika ke ayemba azoyemba zemba me azofana nitika mwa pembeni boy akotala bango ba star ti sikoyo campagne sili lito a gagné bomboko a gagné orchestre zongi na Kinshasa yo moko bika makamunenge za orchestre ya ba congolais. Rumeur moko bandoko tambola ke no bomboko sepeli tellement ndenge to salisi na campagne ndenga gagné a pesa mbongo ebele na ba musiciens nyonso ya viva basomba mapango. Donc Wemba ameli biso. Oh, donc mes contentements ba musiciens ya Wemba quatre et ba chanteur na ye ba décider ba longwa ba ke ko sala orchestre donc bipoli cambodgien nanani msusuana. Bakeko sa espérant bakeko sala orchestre na bango bengiango mboka moko ba découvrir ki na Équateur tango ka tourner wana mboka ngo sa pembeni ya game na komona ngo karawa ba pesi orchestre na bango ba karawa musika karawa musika bakeko na siko emene papo embatikali ba musicia bake azana chwate petu avana na mana molokai koma emba ka pe bien azu akoti emene na vive la musika emene comme musicien. Tant que mené à Kotibo, à quoi peut révolutionner vive la musique, à Bimisi Mandembo, c'est le succès, tu vas remarquer même départ, tu as Karawate. Donc, vive et Fula Milisusu, n'arrive à mené à, tu as un peu de orchestre simbite babani kozonga moko moko ti baye kozonga wemba a récupérer bango abina za papa na bino boye kozonga baye kozonga malheureusement pona bango emenea asia piki dans la peau muta kwa obotele sou bendele wana za comme leader ya viva la musique numéro 2 ya viva la musique ouais bah sérieux d'ailleurs équipe ya chef viva la musique ya makasi basala ki chorale basala bana pe ngo indu sankara donc wana sikoyo to clôturer chapitre 1 à musique na 1978 na 1978 ba gendarme katangé ba ko kozonga pour la deuxième fois ba ko attaquer cette fois-ci ville à Kolwezi bitumba Kolwezi ba ko tu wana pe ba bengani ba militaire na biso ba kimi et puis Mobutu abengi mutunaye Giscard d'Estaing zaki na chouate a ko kotinda la deuxième rep régiment ya ba parachutiste et ko ya ko sauter na Kolwezi et ko ya ko libérer Kolwezi wana de deuxième guerre ya Chaba ya guerre à Kolwezi ba français ba ko ya ko sauver Mobutu déjà et monani que deux guerres wana 77 78 Mobutu azali sous une armée ya ko tenir te et ko ya pe ko pousser ba politicien ba banda pe contestation na kati wana de to komona histoire et dépêche na prochain épisode to ko ko suka lelo awa. Merci mingi ndeko Thomas Louaka pour na ba explication nyoso entre l'histoire de l'indépendance de l'Angola, l'histoire de la musique, fin quelques faits, il y a musique congolaise et puis une histoire politique. Ce n'était pas évident, l'épisode il y a Mokolo Alelo. Merci Nabino. Donc, tu as une dernière partie pour Botuna Mamituna, pour Komela Bisopé. Et puis, prochainement, tu as une révolution. Et il dépasse Tito, qui est dans la conférence nationale. Exactement. À très vite. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Ma décision, la police est à Olaj Bazui. Ils ont la décision, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut passer à suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Comment rendre confortable chaque endroit, quel que soit le moment? Eh bien, c'est quand on ne craint pas de voir sa connexion Wi-Fi coupée pendant un appel vidéo avec Pi. Grâce à la Airbox 4G+ d'Orange, profitez de nouveaux forfaits Internet très haut débit à partir de $10 et restez connecté partout. Tapez *101*25#. Orange. Dernière partie de Parlons Histoire pour la journée d'aujourd'hui. Alors, Tolobeli, Maeleka Nambo Kanabiso, entre 1975 na 1982. Bon, c'est la première partie, hein. Tolobeli, Mwanda Mwangola, pour l'Angola, c'est implication à Mobutu, na conflit kuna na Angola, parce qu'il était trop impliqué kuna, hein, Tolobeli, les Kambo, ya, combat, ça là, contre Neto, et puis vengeance, ya Neto, tango, tindi, ba gendarme, Katangé, par deux fois d'ailleurs, et par la suite on verra que Mobutu a encore soutenu l'UNITA, hein, Nabitumba na Ena dos Santos. Bref, c'était compliqué entre Mobutu et le MPLA quand même, hein. Et puis Tolobeli Pé, moi crocheté, Papa Wemba, Ndenga Kota na musique, création Zaiko, et puis King Kester et Menea, Pé à son âme, Pé à leurs âmes, en tout cas, Ndenga Yepé, à Kota qui na viva la musique au lendemain de la guerre de 80 jours. Alors, Mituna Nabino, Sikawa, rapidement, na 085-000-4440, 089-44-44-471, topé, ma message Nabino, na 089-44-44-470. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Thierry, monsieur Thierry. Oui, bonjour. Bonjour, Pena Papa, je connais le Congo. Bonjour. En tout cas, Kolanda Thomas Louaka a vraiment icône et miroir de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que nous avons tout naïe? Mardi ou l'été? Mardi ou anapete, mais ou ana? Nenga le blague sur les chefs spirituels et l'église kimbanguiste. Oyo, Azalaka na politique. Oyo ba sala ka rébellion. Bon, ngana ngana tali seka ka mukie apesa ngalo kwa yemo kazawana aibisa ngai to pa bisa biso so to zo landai ba kimbangiste parce que tout yebi Kobanda, Tata Simon Tumbang Wazaki ensembleur, Yabangunza, Bokanga Minaye, Tope Boke Inaye, et c'est qui est pas Maman Mouilou. Tant que c'est Maman Mouilou, Maman Mouilou, Akambaki, Bangunza, Topa Sangsa Lisangawana, jusqu'à ce que Bananae Bakolaki. Donc, moi, le Liboso, qui est ma chef spirituel de l'église Tumbangis, et qui Papa Diangend. Yami Bale, Papa Dialungana. Yami Satu, et les autres, le Papa Simon Tumbang Kiangani. Donc, oh, il y a bande pour Ebisabiso wana, il y a wana ngaka Ebisabiso. Chef spirituel ya Lubaki wana, parce que na boloko na Lubumbashi, Papa Simon Kimbangu, akalaika kana basoda. Basoda mi bale, na ba masero wana bande pour ya visite. OK. Merci s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toza na tamuke, on refaire histoire te. O tuni question d'ailleurs, tout na kango déjà la fois passée, la pensa que réponse nenga ya Lubaki. Donc on va pas refaire l'histoire, on a compris votre question, on va y revenir parce que à Lubaki bongote. Hein, donc voilà, on va y revenir de toutes les façons. Tous auditeurs, mon sousou. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, papa Thierry Kamboun de Kafou. Bonjour, Mdeko. Motuna na eza nini. Motuna na eza, merci vraiment. Votre temps, nous avons eu la question, papa Thomas Louaka. Moi, je suis un peu plus de temps. Maïe, les fait sagesse. Motuna na eza, nous avons eu la question. India, wana, papa Kassavou. Tant à côté, à nini. Et puis, il y a un mouvement à Nénine. Et puis, il y a un combat pour la République. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, Tozo Lobela, chapitre à l'élo. Il y a un mouvement à Tata, papa Kassavoubou, vraiment, à Tayomoko. Hein? Ndaku na ya sombango na mbula nini ya India. Oh, pardon, Deko. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 085 000 44 40. Il y a un autre lingato qui solo, hein, parce que bato ba lingi tellement makambo yo que peut-être qu'ils vont aller dans tous les sens. Ce n'est pas de leur faute, mais phototique a quand même na chapitre du jour. Allô? Bonjour, papa Thierry. Bonjour. Pablo Panzo. Ndeko tozo ka moto na nezani. Alina tu na kaka na nyoso o mobutu sala na ba pays ya. Ndenya kota ki China, Angola, na Rwanda, o akende ni sala ndinga sala ki pona ko aider Angola, l'idée n'a pas de pays africain, c'est la Kinini. A comme un leader n'a pas de pays africain, à Tatata, Batunaye, comme un président pour y avoir colonisé, ma première sur l'Afrique. Voilà la première question. La deuxième question, Papa Wemba, là, Nyokalongo, à Salaki, à Laki, il s'est bossé, il a dit, Papa Wemba, Sikoyo. Non, au balai Lindeko, il a dit, bosso, Papa Wemba, il a dit, balai Nyokalongo. C'est pas la nini, papa fondateur ya Zaïko, mais à Zaïko pour la nini. Il a mis ça qui n'a certainement pas ma casse, mais on peut dire qu'il parce que là, ça va Merci beaucoup, merci. Merci Ndeko. Tozu auditeur Mosu sous 085 000 44 40 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Top Congo. Oui, bonjour. Les gens qui Eric, m'a béni depuis le métier. Nangi, na tout na kaka, monsieur, je connais le Congo. Quand il y a une histoire où nous sommes à Bétaka, un système éducatif, même si il y a l'enseignement. Il y a un système qui est tout le temps en France, en Louis XIV, en Nini. Mais il y a une histoire où nous sommes à Bétaka, un système éducatif, même si il y a bien. On a dit que tu es là, Congo, bien à l'école, il y a une histoire où nous sommes à Bétaka. Préoccupation dans la vie à moi. Merci beaucoup. Cette question revient souvent. Tous auditeurs, mon sousou. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, allô, bonjour. 085 000 44 40 089 44 44 471. Bonjour. Bonjour, Ndeko Thierry. Oui. Bonjour, Pena, papa Thomas Louaka. Bonjour, Ndeko. Ah, bien à finir nous depuis qu'il m'a Don Bosco. Papa n'a 5 ans qu'avant. Félicitations papa Thomas Loaka na Ndenge toujours yekola parce que ma camarade est toujours bâtie mais grâce non vraiment toujours joie histoire ma case. Est-ce que papa Toulouba ka fala ka te ba livre papa Thierry ou za ke de histoire somba va pe na histoire na banda ndé mutuna na nga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les auditeurs Yasuka pour ba message à autant les ébélé. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour Pena, papa Thomas Loaka. Oui, bonjour. Vous êtes à la Duna. Est-ce que il s'agit à reformer à ta successeur naé potozaba tous les lopé gambago kobé naé. Alors tu as la bataille dans la histoire. Le colana nous est à l'ordre du jour. Pour l'État, quand on a un système éducatif, on a biso, et quand on a un programme scolaire, est-ce qu'il y a un format de jeune mobile ou que les lois, les lois, tous la bonne santé, et que les jeunes, on a un relève, ton collègue n'a pas qu'un âge, il y a un relève. Merci beaucoup. Il y a un remède de la biso dans l'histoire, régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut n'en attendre aussi sa formation à Yemoro parce qu'as un chercheur en histoire, il faut voilà, c'est un processus nano a comité. Et puis Makambo Onyon sur le bac à l'obagi na biso déjà na mikolé l'équipe pour tout gagner temps en répondant aux questions que attend Yangokaka na mikanda yaba professeur yeminé notamment ya République démocratique du Congo. Donc voilà, merci beaucoup. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Voilà, rapidement, de répondre à Nami Tounaïba auditeur. Message Mokona, autant à ma message Mingi Sikawa. Bonjour Ndeko Thierry, peut inviter. J'étais à la conférence de Showbuzz le samedi avec Ndeko Thomas Louaka. Livre Oya samedi, M. Mobutu, Tokozo Yango Wapi, M. Wilinda Kanakingabwa. Alandarabiso, Ayoka qui a annoncé une conférence à Kendaki, mais livre Mobutu Lubaki, Kozo Yango Wapi. Nakanisi. Pour nous, nous avons un camarade qui a été invité sur la Kinshasa Kozoma. Titre Nango Mobutu et auteur Nango, c'est L'Angélier. L'Angélier, c'est un journaliste français qui livre sur Mobutu. D'accord. L'isolo est Simon Kimbang. Ndekwana a bengé déjà la fois dernière. Alobi, il y a eu le bien au sortir de la prison, pire petit à Simon Kimbang, il y a eu le fils spirituel. Alors que Bango Baebika a été. Succession exactement. Église Kimbangu c'est tango bakangi prophète Simon Kimbangu bazu babandi ko relégué bato. Et maman Marie Mwilu atikali ko continuer na idéologie ya mobile nae. Naba wana mobile na bolo. Mobile na boloko. Et je confirme encore ici Emmanuel Bamba jeune kimbanguiste a été en prison avec le prophète Simon Kimbangu. Tango Emmanuel Bamba à Zongia en 1961, en 58, l'église va reconnaître l'église Kimbangu, c'est Nakomboya, église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Wana ezali dirigé na mwana na Diangenda, na 61 Emmanuel Bamba a sali église naye les saluts de Jésus-Christ par le témoin Simon Kimbangu. Église Kimbangu c'est comme na Elmi Balé. Tango Bamba kufi na 60, ça a permis ya ko réunifier église Kimbangu. Donc voilà ma kam na lobaki, mais maintenant ce que na zo comprendre des préoccupations na été par exemple Bamba kufi na 66. Bamba kufi na 66. Exécuté donc, parmi les martyrs. Parmi les martyrs de l'indépendance. Ndeko lobi ke Bamba zaki na prison té bon. Na ebite to vérifier ba source na biso nga na ebi Bamba zaki na na Kimbangu na prison te bon ya lo bite ke Bamba ina prison te ya bi Simon Kimbangu zaki na prison ka na ba soda na ba soda. Oui, mais ngai information na zon na zanango Bamba azalaki na Kimbangu na prison. Voilà voilà motuna mosusu ndenge nini Mobutu ndenge Mobutu kota na Rwanda na Angola ika ide na ezara nini? Non, en fait tant que poto comprendre malamu à l'époque tous allés dans une guerre froide. Ils ont deux camps. Les capitalistes et les communistes. Mobutu, les capitalistes et les occidentaux, ils ont joué comme gendarmes en Afrique centrale pour protéger le communisme et la communauté dans l'Afrique centrale. Yangoana entre autres, Bitumba Angola, pour combattre les communistes netto. Ils ont considéré comme les communistes. à ça protéger Rwanda et Zalaki tendance Nabiso. Donc voilà un peu la politique, c'était la mission qu'il avait, préserver l'Afrique centrale de, du communisme. Donc comment est-ce que leader de l'Afrique centrale? Exactement. Il lit sur l'Occident. Exactement. Avec le soutien des Américains, des Occidentaux. Tomoni Ango, bah français, bah éco sauvé en 78, la guerre à Chab. Bonjour, parlons-en. Notre estimé historien n'a pas mentionné un fait historique en politique. En 1978, il y a eu un coup d'État manqué et qui a été sanctionné par la mort du colonel Kaloumé et sa bande et l'écartement des ressortissants de l'Est et du centre du pays de la, et de l'armée, en l'occurrence le général Ilunga et ainsi de suite. C'est Médard Mbaye en Mbujimayi. Oui, dans notre épisode, on a été tout à guerre à Chaba, mais c'est vrai que deuxième tentative, il y a les bossots, tout le monde qui est en 75, où il y a le général Falou, le major Mpika, et puis en 78, pour monter le sous-sous, comme quoi le jeune Balinga va faire la coup d'État, c'est le groupe y a major Kaloumé au Bazala qui est exécuté. Donc, cher auditeur de Bujimayi, ce n'est pas qu'on n'en a pas, qu'on a oublié, mais on n'en a pas encore parlé. Exactement. Non, Tolobeli parti. Bonjour Thierry, n'a invité. Masolo qui toque au Bouéba, tiens, on a placé à histoire. Est-ce que tu as joué à histoire ou Mindele, tu as joué à ou les tu as joué à histoire à Mindele, Dunga, Mangoma, depuis Mongala. Merci de nous suivre là-bas. Papa Wemba, Nanyo Kalongo, pourquoi Papa Nanyo Liboso, Michel Bosso Zaiko, mais pourquoi Nanyo Kalongo a-t-il calé Nazaï? Explication est assez simple. Na fin, je crois, fin 73 ou début 74, la star ya Zaiko, ou ya comme une star vedette, et comme on a évoluko, laï laï, à Tchom. Évoluko tango comme une star, a comme une pena ba fière. C'est-à-dire quoi? Ayaka ba répétition en retard. Ba concert pe a komakane en retard bazo sale ba remarque aza ko changer te deve mwanda a décidé na nyoka longo ba suspendre donc evoloko a longo zaiko tant evoloko a longo zaiko par solidarité na ye na evoloko camarade na ye papa Wemba andimi kolanda evoloko ba ke ko sala orchestre sika ba ke ko sala isifi lokole voilà comment Wemba a longo zaiko à que ça là ici, ce qui fait que Nyoka Longo a quoi qu'on tique là, a qu'on supporte, bambonge, ba tempête, nyonsu ekoleka, nasima, yangoana, devemanda, a qu'on tique là orchestre tilelo. Je suis Olivier Kamai. Premièrement, je félicite Monsieur Louaka pour ses recherches, mais j'ai une préoccupation. Si ça ne va pas vous déranger, est-ce que Monsieur Thomas Louaka a déjà fait des recherches pour connaître toute l'histoire de Joseph Kabila, où il entend qu'il puisse mourir pour donner sa vraie histoire? Monsieur Salaba recherche sur vraie histoire. Joseph Kabila. Non, je n'ai pas beaucoup de documentation parce que l'histoire est dépendante de l'élément aux Anango. Mais les quelques données aux Anango déjà et qu'on permet de ce que l'on a dit, surtout ça, l'histoire. Parce que je vois que ça intéresse beaucoup les gens. Donc, ça, la personnalité politique. Donc, ça, la histoire de Joseph Kabila, ce n'est pas un secret d'État. Merci beaucoup. Bonjour, Top Kongo. Merci à Thomas Louaka. Alors, à raconter l'histoire, vous avez dit que les soldats ont été en train de se faire. Pour intervention. C'est Ben Maka depuis mon gafoula. Non, les Français sont morts et les Marocains sont morts. C'est là qu'ils sont morts. C'est là qu'ils promènent. Merci Nayo. Merci Nayo de Thomas Louaka. Prochainement, Tokoba. Tokoba, Nenge Tolobi, élection démocratique, plus ou moins démocratique, et Salamina 1977. Peut-être un fait marquant, il y a élection en 77, il y a un parlement à Sika. Parlement à Liboso et à Mobutu, tout le monde qui est 1970, président Boboliko, deuxième vice-président à Bureau et Assemblée nationale, Etienne Tshisekedi. Parlement à 75, Etienne Tshisekedi a commis premier vice-président à l'Assemblée nationale. Mandat on a ici à 75, et c'est la quitté, tout le monde est en haut, Mobutu a dissous en 77, parce qu'il y a une élection, tant que Zongi, Etienne Tshisekedi ne se retrouve plus au Bureau de l'Assemblée nationale, a commis député à Molongo, tout le monde a conséquence non. Merci d'ailleurs, merci Nabino, Bolanda Gipe Botalibiso, Tokutani, Naposo Ekoya. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez.